Jacob tremble devant Ésaü. Le passé revient frapper sa porte. Les dons partent devant ses pas, comme pour racheter la faute qu'il porte. Il reste seul au milieu du torrent. La nuit devient un chant clos. Et soudain, une lutte s'engage entre l'homme et l'invisible en écho. Avant d'entrer dans la promesse, il faut parfois être brisé. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Même si je sors blessé de la nuit, je veux ton nom sur ma vie. Je ne te lâcherai pas, même quand ma force n'est plus qu'un cri. Car mieux vaut boiter avec ta bénédiction que marcher droit sans ton esprit. Tu touches la hanche de Jacob, le combat marque son corps à jamais. Mais tu changes aussi son identité. Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui tient debout dans la paix. Le soleil se lève sur un homme nouveau. Dois-tu m'être transformé? Car celui qui a vu Dieu de près ne marche jamais comme avant, après. Ta bénédiction vaut chaque blessure.